scintille et ça se retransmet à travers nos pupilles. La lune nous éclaire, c'est notre seule lumière. Et les phares des voitures, car y'a peu de lampadaires. Quand ça va mal, y'a que ma musique qui peut me consoler. Souvent entouré, j'essaye quand même de m'isoler. Je vais pas te mitonner, on aime tous un peu déconner, rigoler et être sérieux à un moment donné. Je fais pas le Montana, je suis juste le petit chroma. Moi Nama, jusqu'à la mort, je présente Rengasita. Toi, tu croyais que j'avais pas parlé comme moi? Rien, t'es fou quoi, ma rhum l'exige depuis que je suis gamin. Au moins, j'ai pas besoin d'aide, au bled en mission. Je maîtrise la langue, donc pas besoin de traduction. Fier d'être comme moi, rien, je le crierai sans cesse. Quand elle s'allume, l'île de la lune, elle fait notre richesse. Un avion sur cette chanson, elle me fait survoler, me projette de l'émotion. Fallait que je refasse un son où je parle du pays. C'est vrai que dans Comoria Forever, je n'ai pas tout dit. Après la prière du vendredi, ça tape le riz. Tout ça dû à l'événement du Machouhouli. Et quand la nuit tombe, on se crame, on m'chakiki. Et on se prend la tête quand la viande est tout rikiki. Olé olé, c'est l'heure du sambé. Même si vont jumper, faut suivre le pas et ne pas tomber. Enchanté, bienvenue à Mbeni Hamahame. Cabane pour camper, si si c'est mon village, c'est les favelas des îles, pire que celle du Brésil. On s'isole, on s'exile tout en restant immobile. On a le bon teint, cousine mais pas de fond teint. Le laisseau te va bien, comme L'Oréal tu le vaux bien. Grâce à Dieu scolarisé à l'école coranique. Les chauves-souris nous sourient pendant que les moustiques nous piquent. Coutume. Pour le mariage, ça se parfume, les darons sortent les costumes. À la place de Clignancourt, ici c'est le marché de Volo Volo. Même hors saison, les tarifs sont toujours en promo. Moroni, la capitale, située au sud-ouest. Tu sais plus qui est, je viens, tu sais plus qui est, je reste. Le pays est petit, Chagal, c'est Wenji. Si t'apprécies ce que je dis, Marhaba Menji. Homwezi Uja, Harmwenga Zija, Narpa Hezerua, Guyarini que suiha. Amin. Homwezi Uja. Marhaba Menji.